Nous avons l'intention, en dehors de la petite aventure que ceci représente, d'écrire au fur et à mesure du voyage un livre qui raconterait d'une façon tout à fait littéraire, poétique et humoristique les étapes, événements et expériences divers que va nous offrir sans aucun doute une expédition aussi étrange. Cela s'appellera peut-être Paris-Marseille par petit parking, et bien sûr l'autoroute serait la protagoniste principale. Faire le voyage de Paris à Marseille. Faire le voyage de Paris à Marseille sans quitter l'autoroute une seule fois. 2. Prendre connaissance de chaque parking, à raison de 2 parkings par jour, en passant toujours la nuit dans le deuxième, quel qu'il soit. 3. Faire des relevés scientifiques de chaque parking et prendre note de toute autre observation pertinente. 4. S'inspirant peut-être des récits de voyage des grands explorateurs du passé, écrire le livre de l'expédition. Modalité à déterminer. Les autonautes de la Cosmoroute, ou un voyage intemporel Paris-Marseille, de Carole Denlop et Julio Cortázar. Épisode 2, l'expédition. Petite pluie. On va pas se laisser démonter par les éléments, c'est pas notre genre. 14h47, l'autoroute du Sud. Précision du capitaine Cortázar, on dit l'autoroute du Soleil. Just in the way. Dragon et waterproof. 15h10. R de Lys. Arrêt. Orientation de Fafner, nord-ouest. 18h28. R de Nainville. Aucun nœud en perspective. Arrivé sous une pluie battante. Impossible d'explorer les environs vu la violence des éléments. Parking boisé. Éclair et tonnerre. Déprime initiale. À vrai dire, nous sommes un peu abattus par ce début de voyage, où l'espoir d'un farniente considérable, de montagnes de livres à lire, entre en conflit avec les obligations scientifiques. Préparation des comptes rendus que, dans le futur, vous entendrez dans votre présent, qui sera alors pour nous un lointain passé. Et en plus, cuisiner, manœuvrer Fafner l'indomptable et le mener, tenu en bride, de relais en relais. Un aussi compréhensible abattement de novice se traduit par désarroi momentané, collision quand nous essayons d'attraper en même temps un paquet de cigarettes disparues derrière une montagne de sacs et de colis, tendance à tourner autour de l'arbuste, comme il est dit dans les romans anglais, expédition punitive à la bouteille de Glen Marvis, blended and bottled in Scotland. Et repas préparé avec une tendance marquée au désordre et aux éclaboussures. Mais c'est tout vu. Si nous demeurons pareillement abattus jusqu'au bout de l'expédition, ce sera un succès total. Cette autoroute parallèle que nous cherchons n'existe peut-être que dans l'imagination de ceux qui en rêvent. Mais si elle existe, elle comporte un espace physique autre, mais aussi un autre temps. Cosmonaute de l'autoroute. À la façon des voyageurs interplanétaires qui observent de loin le vieillissement rapide de ceux qui sont encore soumis aux lois du temps terrestre. Qu'allons-nous découvrir en retrouvant ce rythme de chameau, après tant de voyages en avion, en métro, en train? Va savoir. Lundi 24 mai 1982. 7h30. Belle matinée, 19 degrés. 8h59. Sabotage. L'air de Fleury est fermé, nous voici obligés de continuer jusqu'au prochain parking. 9h03. Air d'Acher la forêt. Nous cherchons péniblement un endroit où installer le dragon. Le seul endroit possible, derrière la station-service, arbore le panneau d'interdiction. Nous relevons le défi. Soleil. Le thermomètre est en panne. Fafner Pro au sud. Nota bene, ce parking devra nous tenir lieu de 2 étapes, étant donné le sabotage mentionné plus haut par Carole. Déjeuner. Œuf au plat avec du fromage, salade, fromage et pommes. 15h12, sieste. Sieste plus ou moins perturbée par des monstres qui nous frôlent, presque, dans un rugissement. Fafter sait nous défendre. Où les explorateurs tirent le tarot et ce qu'il en résulte. Halloween, guerre, commerce et religion, après les fusils et les canons, c'est au couteau que se dérouleraient les combats entre commandos anglais et militaires argentins. Chacun y va de son communiqué. Pour leur part, les Européens renouvellent leur embargo contre l'Argentine, alors que le pape annonce qu'il se rendra bien, finalement, en Grande-Bretagne dans quelques... Viens par là, le loup. Il pleut, c'est parfait. Un temps idéal pour tirer le tarot. Eh ben, j'y suis. Tiens. Mélange bien les cartes, en pensant à une question. Ok. Choisis-en trois. Trois. Et celle-ci, celle-là et celle-là. Le char d'Hermès, le fou et l'empereur. Laisse-moi regarder tout ça. Le char. Je te lis ce qui est écrit dans le bouquin. Victoire. Mais pour l'obtenir, il faut que les forces physiques et morales soient équilibrées. Ça, c'est sûr. Connaissance des adversités et préparation pour les vaincre. Mmh. Du succès, une avance méritée. Les dissidences politiques, les perturbations, les vengeances ont été vaincues. Oui, c'est vrai. Cette carte indique aussi mobilité, voyage, progrès. Oui, ben, ça me semble pas mal parti, tout ça. Attends. Le fou. Voilà. Alors Folie, irréflexion, extravagance, sottise, acte ridicule, obsession, frivolité, abandon total. Ah, je vois pas du tout de quoi tu parles. Notre expédition relève d'un caractère extrêmement scientifique, je te le rappelle. Et l'empereur, attends, ça va s'arranger avec l'empereur. Voyons. Ah, représente pour le consultant c'est l'appui moi. Nécessaire pour la réalisation de ses espoirs. Indique la fermeté, le positivisme, une volonté indomptable, droiture, vigueur, autorité, triomphe. Signature de contrat important. Oula. Situation d'harmonie aussi bien affective que professionnelle. Et tu m'as pas lu l'essentiel. Santé équilibrée. Yes. Magnifique ce présage. Fafner, il est temps de reprendre la route. Il peut plus. Où l'on pourra constater que les démons ne dorment pas. Ce soir, dans notre premier motel, tant attendu pour des raisons de douche et de bon lit, nous profitons de tous les privilèges technologiques, gastronomiques et hygiéniques d'une installation moderne. La télé au pied du lit nous présente des scènes de la guerre des Malouines, abolissant la distance avec le naturel et le sans gêne des machines électroniques. Boutons, clés, robinets, chaque installation nous offrit tour à tour sa part de commodité, tandis que matelas et oreillers proposaient la douce trilogie de l'amour, du repos et du sommeil. Il en va toujours ainsi. On entre alors dans une zone de plaisir et de sécurité qui dissipe ce sentiment de précarité toujours latent dans la rue, dans la voiture, dans l'ouvert et le multiple. C'est pour cela peut-être que l'attaque du diable, nous aurions dû nous en douter, est plus horrible lorsqu'elle se produit en pleine fête, lorsque le mal choisit le territoire du bien pour s'infiltrer et frapper. Oh là là, magnifique. Donc, t'as vu la moquette, tout ça. Une vraie chambre d'hôtel. Et là, c'est quoi? Bah, c'est la salle de bain. Alors ? Avec une vraie douche. Ah, chouette. Et regarde, il y a un mini-bar. Mini-bar ? C'est l'occasion de trinquer. Whisky glaçon ? Whisky glaçon. Attends, je m'en occupe. Señorita. Mm-hmm. Je crois qu'on va faire un vœu pour notre premier motel. Mm-hmm. Je trinque au début de notre belle aventure. Salut. Salut. mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça avait bien la couleur du whisky, mais c'est pas du whisky. L'urine aussi peut avoir cette couleur. Arrête. Mais si, c'est vrai que ma bouteille s'est ouverte sans effort, alors que la tienne, elle avait bien résisté. Mais... c'était sur mousse du shampoing, pas de l'urine. C'est moi, c'est la bouche. Tu veux bien me servir un martini? Ah. Oui, mais bien sûr. Tiens, voilà. Voilà, martini. Ça va? C'est ce que nous, les Argentins, on appelle un sacré bon tour. Sacré blague, oui. Pisser dans une bouteille de bière ou de whisky, la laisser comme intacte et jouir du double plaisir de ne pas la payer et d'imaginer la nausée de la victime au moment de la dégustation. Tiens, vous faites ça chez vous, bravo. Ah. Je suis pas méchant, mais là, je crois que je refuse jamais une juste vengeance. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire, mon loup? C'est facile. Je souhaite minutieusement que l'auteur de cette blague fasse un tonneau sur l'autoroute, que sa voiture soit comme le bandeau néon de Mussolini, replié dans un dernier accent de tango. Bon. Mais quel méchant! Encore un petit martini, allez. C'est du vrai, oui. Mercredi 26 mai, 10h08. Arrivée, R de Sonville. Beau parquet. 14h35. Départ sous un soleil torride. 14h45. R du Liard. Beau parking boisé. Il y a un grand champ, des fleurs, des herbes hautes. Et tout au bout, nous découvrons une petite plage. Ne pas se baigner. Possible de crocodile. Crocodiles. Des migrations et des exodes. Encore des Anglais? C'est pas possible. Bah oui, regarde la voiture là. Le volant est à droite. Incroyable, ça devient vraiment monotone de regarder les plaques. Depuis 3 jours qu'on est sur la route, on voit que ça. C'est drôle, parce qu'avant ce voyage, j'avais plutôt le souvenir d'avoir vu beaucoup de Belges sur l'autoroute du Sud. Mmh. Peut-être que les Belges sont en voie d'extinction. C'est l'invasion britannique. Ah oui, c'est ça, oui. Comme au Halloween. Oh, regarde, tiens, un Danois. Regarde-le bien, parce que ça, c'est vraiment rare, les Danois. Attends, je le prends en photo. Impossible. Le Danois se laisse pas photographier. C'est comme les Indiens. Tiens, j'ai eu. Ah, vache. Peut-être le dernier Danois. Mutation. Comme toujours, la pratique envoie au diable toute théorie trop sûre d'elle-même. Nous en sommes à peine au 3e jour de voyage et les paramètres usuels ont cédé devant une autre façon de vivre l'autoroute. Sensation première. Fontainebleau est à peine dépassé que nous avons déjà l'impression d'être très loin de Paris. J'ai un Belge. Au point que Marseille ne nous paraît pas plus éloigné que notre point de départ. C'est quand même le cinquième, moi. Le temps mort sur l'espace le transforme. Déjà, nous n'arrivons plus à imaginer de différence notoire entre ce parking et les derniers qui nous attendent vers la fin de l'expédition. C'est quoi cette plaque oursine? Je crois que c'est Bulgarie, ça. Bulgarie. Attends, ça, c'est la première fois que je vois un Bulgare par ici. Attends, je vais prendre en photo. Plus important encore, l'altération insensible de la notion habituelle d'autoroute. Sa fonctionnalité insipide et presque abstraite fait place à une présence pleine de vie et de richesse. Les gens, les haltes, les épisodes vécus sur des scènes plus ou moins ombragées, les actes successifs d'une comédie qui nous fascine et dont nous sommes les seuls spectateurs. Fafner, Rouge Dragon, dévoreur de kilomètres au long de tant d'années et de tant de pays, est à présent un docile éléphant immobile qui ne se déplace que 10 ou 20 minutes par jour et reste ensuite placidement ancré sur ses quatre grosses pattes caoutchoutées. Il ne fait pour nous aucun doute que Fafner est le troisième explorateur de l'aventure. Deuxième métamorphose, les autoroutards. Quelle idée nous faisions-nous de cette faune, lancée à vitesse maximum, à peine immobilisée de temps à autre par une halte sandwich ou WC? Mais regarde-moi ces camions là, ils roulent comme des fous. Et celui-là avec sa remorque. Il y a un serpent enragé. Rien de tout cela sans doute n'a changé, sauf pour nous. Les observations sur la route se réduisent à zéro, ou presque. Tout est vu à présent à partir des aires de stationnement, où les camions et les voitures entrent lentement, presque délicatement, pour s'arrêter avec d'extrêmes précautions les uns à côté des autres. Ce qui était un parallélépipède menaçant, un bolide appelé Porsche, ou une zigzagante et pour ce redoutable Renault 5, nous approche à présent avec la lente et amicale reptation d'un chien qui cherche des caresses, ou d'un chat qui a flairé des restes de sardines. Mais cela n'est rien à côté de l'essentiel. Les choses cherchent leur place, s'arrêtent. Et de ces choses se mettent à descendre des êtres humains qui, dans la course implacable de l'autoroute, n'existaient qu'en théorie. Ainsi, les choses étaient vraiment habitées. Les aires de stationnement sont le lieu et l'heure de la vérité, où la vie continue d'avoir deux bras et deux jambes. Tandis que la fausse vie délaisse les robots de l'autoroute, gisant immobiles, morts, dans leur silence et leur impuissance. Vendredi 28 mai, 13h10. Premier contact téléphonique avec patrouille de secours. 13h21. Dans le deuxième parking, nous avons observé une limace couleur terre cuite qui plongeait la tête dans une bouteille de bière abandonnée sur le sol. Ce soir, après avoir prudemment fait stationner Fafner sur un terrain libre de toute impureté, nous nous sommes mis à préparer une choucroute. Peu après, nous avons observé la présence d'une limace couleur brique, elle aussi, qui rampait vers notre véhicule. 5 minutes plus tard, toute la surface du terrain devant Fafner était recouverte de limaces avançant vers notre repas. En rapprochant l'incident du second parking aux constatations de ce soir, force nous est de conclure que les limaces sont d'origine allemande. Où le loup joue avec le feu. Et puis un cygne parfumé vers 5 heures de l'après-midi, considérablement déprimé par la version espagnole d'un livre de Werner Herzog. J'étais allé prendre un peu l'air au nord du parking, là où un terrain vague, parsemé de petites fleurs augurales, mène à un chemin goudronné qui monte en pente douce vers une petite maison réservée, sans doute au responsable du parking. Quand j'arrivais à la hauteur du sentier, le parfum d'un arbre couvert de fleurs blanches fut comme une voix qui me disait « Tu vois, ceci n'est plus l'odeur de l'autoroute. Ici, on entre dans un autre monde. » C'est-à-dire qu'il m'était proposé de sortir. Et c'était à la fois le signe et la tentation. Presque incroyablement, dans ce microcosme fermé qui relie Paris à Marseille, dans cette interminable succession de 800 km de grillages, talus, murs, haies agressives et autres murailles de Chine de fabrication française, je me suis trouvé devant un portail fermé, avec chaîne et cadenas, mais offrant en même temps, et pour des raisons que je ne comprendrai jamais, un passage qui tenait de l'entrée d'un labyrinthe, une invite à franchir une première chicane, puis une seconde qui s'ouvrait de l'autre côté sur un chemin entre les champs avec au fond la vision d'un village à moins d'1 kilomètre. une fois de plus, la tentation. Ni arbre, ni serpent, ni pomme, mais l'invitation à franchir le passage et à violer sans que personne ne sache la règle du jeu. Pour rien. Pour le plaisir d'avancer de 10 ou 20 mètres et de revenir à notre territoire. Pour emmerder, comme disent les emmerdeurs. Pour ne pas le dire à Carole, par exemple. Gardez pour moi cette transgression, comme nous gardons presque toutes les autres. Ou bien, le lui dire pour voir. Oui, c'était un signe, mais à la différence du tarot. Un signe qui invitait à exercer ma liberté. Tandis que je rebroussais chemin, je fus reconnaissant de ne pas avoir changé sur ce plan que tant d'autres personnes, vers la fin de leur vie comme moi, remplacent par le sérieux et les actions aux porteurs. Je me souvins de mes jeux à 8 ou 10 ans. Ceci est permis, pas cela. Sans explication ni réflexion. Je me souvins des règles de la marelle, des billes, de la toupie, et de l'accès progressif à d'autres règles qui peu à peu m'enfermaient dans le monde des adultes, le ludo, les dames, les échecs. Pièce touchée, pièce jouée. Ah non, souffler n'est pas jouer. Ainsi, aujourd'hui, et les 32 aujourd'hui qui restent, on ne sort pas de l'autoroute. Oh oui, c'était un bon signe. Ça m'a fait du bien de le trouver, là. Comme enveloppé du parfum de l'arbuste en fleurs. C'est cela la vraie gérontothérapie. Sentir de nouveau, comme dit le tango, que 20 ans, ce n'est rien. 20 et le pouce, compadre. Jamais nous n'aurions pu imaginer une chose pareille. Et il nous faut reconnaître que si notre imagination nous avait aidés à préparer l'expédition, elle avait été incapable de nous donner la moindre idée de ce qui allait arriver. Qu'à la moitié du voyage, nous soyons entrés dans l'habitude et même dans la routine, cela a été prévisible. Mais qu'au 5e jour à peine, et juste au seuil de la Bourgogne, nous menions une vie dont la seule définition possible est le naturel, voilà qui nous éblouit par moments. Tout le reste est comme entre parenthèses. Bien que la radio ou les journaux de rencontres nous tiennent au courant de guerres, festivals, assassinats, critiques littéraires et conflits syndicaux. Tout cela est, tout cela continue. Mais nous le vivons sur le no man's land de deux parkings quotidiens. Deux îles que Fafner atteint après quelques minutes d'autoroute. C'était Les Autonautes de la Cosmoroute, ou un voyage intemporel Paris-Marseille, de Carole Denlop et Julio Cortázar. Adaptation Leslie Menahem. Avec Bruno Abraham Kremer, Julio Cortázar, Violaine Schwartz, Carole Denlop et Werner Kolk, Jonathan Levin, Francky Pin, Yvette Caldas, Scott Clark, Alexandre Giannou, Dimitra Contou, Nathalie Akoun, Philippe Mambon, Luciano Travaglino, Benjamin Porceda, Sonia Mella, Yana Bitnerova, Mirena Stré. Bruitage, Patrick Martinache. Musique originale, Dominique Massa. Interprété par Mathieu Beauchat, Virgile Lefebvre, Erwan Ricordo, Dominique Massa. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Martin Delafosse, Marie Jaworski. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Pascal Deux. Remerciements à Daniel Coulon et à son combi Volkswagen. Les Autonautes de la Cosmoroute, de Carole Denlop et Julio Cortázar, traduit par Laure Guil-Bataillon et Françoise Campo, a été publié aux éditions Gallimard.